Mesdames et messieurs, petite escale dans ce voyage, voici la plaine des gigas. Regardez sur votre gauche, des gigas en liberté. Ah oui, Jeannette, vous pouvez en ramener autant que vous voulez avec vous. Allez-y, vous pouvez sortir les caresser, ils sont pas farouches. À la rentrée chez SFR, les bons plans sont au programme. Jusqu'au 8 octobre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la recherche du bonheur, c'est-à-dire bien loin du mariage et après le remariage. On commence avec James Stewart, ivre qui chantonne au bord d'une piscine avec dans les bras le corps endormi d'une déesse, un tube de l'époque. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans le meilleur des mondes. C'est bien le sens des comédies de remariage dont parle le philosophe Stanley Cavell dans un livre OVNI paru en 1981, À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie de remariage. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you. Bonjour Marc Cerisuello. Bonjour Adèle Vanrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur en histoire et esthétique du cinéma à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Vous connaissez Somewhere Over the Rainbow par cœur, ainsi que tous les films évoqués par Stanley Cavell dans ses comédies de remariage, n'est-ce pas? Oui, presque. Il faut être à la hauteur maintenant. Oui, après tout ça, oui. Alors Marc Cerisuello, vous, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de cinéma, vous êtes fin connaisseur de l'œuvre de Cavell. Est-ce que ça veut dire que le philosophe qu'il était parlait particulièrement, au moins tout autant, aux philosophes qu'aux spécialistes de cinéma? Oui, tout à fait. Oui, c'était une grande perte, hein, la disparition de Stanley Cavell cette année. Moi, je l'ai découvert grâce à l'éditeur français de la recherche du bonheur, Patrice Rollet, qui s'occupait des éditions des cahiers du cinéma et qui m'avait signalé le livre, mais bien avant qu'il ne soit traduit, et donc l'avait lu en anglais. C'était une époque où on avait quand même un intérêt aussi pour ce qui se passait. Aux États-Unis, il y avait Manny Farber, que Patrice Rollet a édité également chez POL, qui est un critique, mais très important également. Et effectivement, j'avais jamais lu un livre comme ça sur le cinéma, alors que la comédie américaine, dans ces années-là, était très, très, très importante. C'est quand même un genre qui, en France, et notamment à Paris, est un genre un peu éternel. On n'a pas arrêté de passer. Il n'y a pas eu d'interruption, à part sans doute pendant la Seconde Guerre mondiale, et encore, on a toujours montré The Philadelphia Story, L'impossible Monsieur Bébé, et tous les films dont parle Stanley Cavell dans son livre. Il parle de 7 films, hein, mm-hmm. Donc parmi les plus célèbres. Et pour le public français, c'est le public français, donc le grand public qui aime ces films, et puis les historiens, les critiques et les spécialistes du cinéma, c'est une sorte de bien commun, la comédie classique américaine. Tout le monde connaît ça, on peut... Sans être expert d'ailleurs. Sans être expert, ça a fait vraiment partie de la culture populaire française, y compris en version française. Hein. C'est des films qui ont été vus vraiment. On était très attachés au genre dès les années 1930. Et ces films donc sont tout le temps passés au Quartier Latin et à la télévision. Donc il y a réellement, on fait fond sur une culture. Et alors que quand on s'intéresse à l'histoire et à l'esthétique, à la critique, on, On voit cela par le filtre de la cinéphilie française, ce qui est bien normal, par celui des revues, les grandes revues comme les Cahiers du cinéma, comme Positif, où les différents rédacteurs ont pu parler de ces films, soit en parlant du genre, soit en parlant des auteurs. Spécialité française de la critique, on parle de ces films comme étant des films de Howard Hawks, de George Cukor et d'autres encore. De Capra, de Preston Sturges. Donc il y a ce discours cinéphilique-là qui est bien connu. Mais le discours de Cavell était tout à fait étonnant. Alors en quoi ? C'est un philosophe très important qui a eu, je crois que Sandra Laugier en a parlé hier en détail, mais on peut rappeler quand même que c'est quelqu'un qui n'était pas destiné à être philosophe. C'était d'abord quelqu'un qui voulait faire des études de musique. Et puis, pour faire court, à un moment donné, donc il y a eu une insatisfaction. Il était quand même à la Juilliard School à New York, après un premier moment d'études à Berkeley. Donc il se destinait à la composition, notamment. C'est un vrai musicien. Et puis, il y avait une insatisfaction qui est tout à fait liée d'ailleurs à sa philosophie même. Il y a eu un moment, on pourrait dire, en termes cavelliens, donc de scepticisme. Le scepticisme chez Cavell, c'est pas du tout l'attitude philosophique antique depuis le pyrrhonisme. C'est que, en passant par toute la grande tradition philosophique classique, le scepticisme de Cavell, c'est le scepticisme de Wittgenstein. C'est-à-dire, quand Wittgenstein dit « le scepticisme est vécu », ça ne veut pas dire que je mets en doute l'existence de Dieu. À la manière de Descartes, Dieu. Le doute méthodique. Voilà, on n'est pas du tout... C'est un exercice de pensée. Dans le scepticisme vécu, nous traverse le corps, on le subit. Voilà. Alors que là, on est plutôt dans l'interlocution, dans le langage et dans la façon dont nous avons relation à l'autre. Le scepticisme vécu, ça veut dire que je ne reconnais pas l'autre. J'entends pas bien ce qu'il me dit. Je crois que je n'arrive pas à me faire comprendre. Je n'arrive pas à trouver les mots. Hein, et en fait, on les a, les mots. Ils sont là et on ne les reconnaît pas. Hein. Et c'est cette attitude-là, dont je le dis de manière très rapide, très succincte. On pourrait rentrer dans tous les détails. On l'a développé hier avec Sandra Laugier. Vous faites bien de le rappeler parce que c'est très important pour comprendre le rapport de Cavell à la philosophie. Et le cinéma qui l'intéresse, c'est le cinéma parlant, pour deux raisons. Parce que d'abord, c'est le cinéma qu'il a connu enfant et adolescent. Cavell est né en 1926. Quand il a commencé à aller au cinéma, il y allait donc deux fois par semaine. Sa mère, qui était pianiste, jouait dans les cinémas. Avant le film, faisait chanter, comme on le voit dans spéciale première de Billy Wilder, une sorte de karaoké, d'ancêtre du karaoké, ou jouait tout simplement pour accompagner les films. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une relation très très intime avec le cinéma et qui allait, donc comme tout le monde, les Américains ont un mot pour ça, moviegoer, c'est quelqu'un qui va au cinéma. Et pendant toute une période de sa vie, jusqu'aux études, en gros, il est allé au cinéma deux fois par semaine, comme un moviegoer américain. Et au bout d'un moment, il a oublié tout cela, il a fait autre chose, mais continuait à aller au cinéma, mais il ne se rendait pas compte qu'il avait une immense culture du cinéma américain. Ça, parce que Cavell, on a beaucoup parlé avec lui, avec Sandra Laugier, avec Élise de Benac, avec Arnaud Desplechin, avec beaucoup d'autres. Qui seront on l'a souvent vu. Semaine, hein. On a organisé des colloques. Enfin, donc on est devenus amis les uns et les autres avec lui. On a beaucoup parlé de cinéma. Et le cinéma qu'il a aimé d'abord, c'est un cinéma, je dirais, 100% américain. Hein, alors on va l'écouter, qui raconte justement cette rencontre avec le cinéma. Et surtout, on va l'entendre témoigner des premiers moments où il a décidé d'enseigner le cinéma dans un département de philosophie, où il s'est dit « bon, je vais enseigner le cinéma, mais qu'est-ce que je vais enseigner comme film ?» Écoutez-le, c'était en 2008 au micro de Philippe Petit. Je me suis posé la question suivante. Que dois-je enseigner ? America is known for its comedies. Et je me suis dit, l'Amérique est connue pour ses comédies, nous avons des acteurs célèbres. Donc je vais choisir un certain nombre de films de mémoire, en mettant particulièrement l'accent sur les comédies. And it turned out that four of the films that I remembered Il se trouve que quatre des films qui m'avaient beaucoup impressionné étaient quatre des sept films que l'on retrouve dans À la recherche du bonheur. Mais de découvrir comme cela le caractère intellectuel, artistique, la précision du cinéma, le fait que chaque chose compte. On pose une question à un film et le film vous répond. Was a revelation to me. Ça a été une véritable révélation pour moi. That remarriage was the first of the true ideas to get inside a film. Le thème du remariage a finalement été pour moi la façon de pénétrer dans le cinéma et j'ai été récompensé au centuple et ça continue à avoir une réalité pour moi, donc je continue à étendre cette notion. De ces quelques cordes fait toujours sourire, hein, Marc Sirigelou. On imagine un écran de cinéma qui s'ouvre, le générique qui apparaît à l'écran et les personnages qui arrivent, souvent Cary Grant, hein, c'est la bande originale de His Girl Friday, la fille du vendredi. Alors, Cavell explique dans l'extrait qu'on a entendu, hein, pourquoi ces films-là, et il prononce un terme qu'on n'a pas encore prononcé, on va le faire, c'est le sujet de son livre, celui de remariage. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'intéresse au cinéma, il s'intéresse aux comédies, et pourquoi lorsqu'il s'intéresse aux comédies, il s'intéresse aux comédies de remariage? Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, parce que ce que vient de dire Cavell est tout à fait... il vient de dire deux ou trois points remarquables. Il dit d'abord que toute chose, chaque détail compte dans un film. On ne peut pas voir un film en allant chercher une bière au frigo, en revenant... Contrairement à une émission de radio d'ailleurs. On peut tout à fait aller chercher une bière dans le frigo. C'est la supériorité de la radio. Chaque détail compte, tout compte. Et ça, c'est très important dans l'idée de la reconnaissance qu'on évoquait tout à l'heure. D'autre part, il a évoqué effectivement son enseignement. Élise Domenac parlera de la projection du monde. En fait, la projection du monde, le livre qui précède à la recherche du bonheur dans les livres consacrés au cinéma de l'œuvre dans l'œuvre de Stanley Cavell, c'est en fait les suites de ce séminaire, de ce premier cours qu'il a dû donner à Harvard en 1963. Personne n'avait jamais donné un cours de cinéma dans un département de philosophie aux États-Unis. Ça avait été très mal vu par certains aspects. Quand il avait fallu choisir le sujet, c'était un cours d'esthétique, et il fallait travailler sur un art. Or, il y avait Michael Fried juste à côté qui parlait des arts plastiques. Il aurait pu parler de musique, mais est-ce que les étudiants étaient aussi calés que lui en musique? Non. Donc, il a finalement choisi le cinéma, parce que le cinéma, malgré tout le monde connaît. Et il s'est aperçu, en effet, que plusieurs de ses films posséder cette structure du remariage. Il en parle déjà dans La projection du monde, quand les cycles deviennent des genres. Et donc, le fait que des films... En fait, au cinéma notamment, il y a deux manières de considérer le genre. Il y a d'une part donc le producteur spécialisé en comédie musicale ou en film policier qui continue à faire... donc c'est la production de genre, donc de masse. On n'est pas dans l'esthétique, là, on est dans la production. Hein, donc, on décide de produire toute une série de films avec des acteurs. Mais il n'y a jamais eu un producteur qui a dit « Tiens, aujourd'hui, je vais faire une comédie de remariage ». Ce n'est pas un genre qui existe dans la production. Mais c'est lui qui baptise ce genre. Voilà. Qui lui met le terme de remariage. C'est lui qui le baptise parce qu'il voit quelque chose d'important. C'est en ça que il a une importance vraiment dans l'esthétique du cinéma, en dehors même de la philosophie. C'est qu'il voit quelque chose que les spectateurs sentaient. Ils vont se remettre ensemble. Ils se sont quittés, mais en fait non, quand même. Bon, on voit bien qu'il y a cette idée qui est un aliment de la fiction, notamment hollywoodienne. Mais c'est pas le propre nécessairement de Hollywood, c'est qu'on a envie qu'un homme et une femme se retrouvent. Or, certains films américains, comme par exemple donc The Philadelphia Story, pour prendre un des exemples... Indiscrétion en français. Nommément, Cary Grant et Katharine Hepburn, avec leurs personnages, sont mariés au tout début du film, puis on s'aperçoit que ça ne va pas dès la fin du générique, et on les retrouve 2 ans après, quand le personnage féminin doit se remarier, et que Cary Grant va s'insinuer dans la demeure qu'il connaît bien, de son ex-belle-famille, pour en fait récupérer la femme qu'il aime. Ça, c'est la structure du remariage que Cavell va réactiver, on peut dire, avec d'autres films. Donc pas simplement des films où il y a du remariage, c'est nommément. Ça. Mais c'est ça qui est passionnant. Pour qu'on comprenne bien la différence entre une comédie de remariage et une comédie tout court. Cavell fait la différence, par exemple, avec le schéma classique de la comédie où un homme et une femme se rencontrent, des obstacles les empêchent d'être ensemble, et à la fin du film, ils se marient. C'est la comédie classique, disons que c'est la comédie de Molière, des très jeunes gens. Ils ont 20 ans ou 16 ans, s'aiment, vont décider effectivement de s'unissent parce que c'est la comédie traditionnelle, ce sont des très jeunes gens en général. Il y a des obstacles, la génération suivante, le barbon veut se garder la petite qu'il a élevée. Enfin, donc, on retrouve effectivement tout cela et à la fin, les obstacles effectivement sont levés. C'est très important dans toute la tradition occidentale depuis la comédie, ce qu'on appelle la nouvelle comédie dans l'Antiquité grecque et romaine. Et on s'aperçoit que ça, c'est la comédie de mœurs traditionnelle et avec donc cet aspect sentimental. Dans la comédie de remariage, on a des gens qui ne sont plus exactement des jeunes gens. Ce sont des hommes et des femmes encore jeunes. En gros, ils n'ont plus 20 ans, ils ont 30 ans. Et le plus souvent, mais pas toujours, ils ont été mari et femme. C'est ça. Ils se sont séparés. C'est la suite de la comédie classique, en fait. C'est comme si on les retrouvait 10 ans plus tard. Où en sont-ils? Alors, ils vont se séparer et se remettre ensemble. Et c'est également, donc il y a une notion qui est très importante pour Cavell, c'est la notion d'héritage. Donc, s'il y a un héritage, c'est que ces comédies héritent forcément de quelque chose. Elles n'héritent pas du schéma Ben Jonsonien ou Moliéresque que nous venons d'évoquer. Elles héritent des comédies de Shakespeare. C'est-à-dire que la comédie shakespearienne est celle qui permet effectivement de retrouver cette structure de la retrouvaille, effectivement. Alors, ce ne sont pas à proprement parler des comédies du remariage, mais il y a réellement dans ces comédies un passage de la comédie shakespearienne avec des tas d'éléments que Cavell présente, notamment dans l'introduction de son ouvrage, le fait, par exemple, on pourrait en citer beaucoup, hein, il ne s'agit pas de faire un cours sur la comédie du remariage, mais enfin, quand même, l'alternance du diurne et du nocturne, le fait que la résolution de l'intrigue doit se passer dans ce que la tradition shakespearienne, de la critique shakespearienne, appelle the green world, le monde vert, ou parfois le monde doré. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une forêt magique, on va se retrouver sur une île, comme dans La Tempête, on va se retrouver dans un lieu détaché du monde où l'intrigue va pouvoir trouver une forme de résolution. Ça, c'est chez Shakespeare. Ça, c'est chez Shakespeare. Et dans les comédies de remariage, ça va être le Connecticut. Exactement. Pour la plupart des personnages. Ce sont des comédies urbaines au départ, on est en ville, mais insensiblement, l'action va se déplacer, notamment, effectivement, à la campagne. Comme on est souvent près de New York, ça va donc être à la campagne chic, hein, Connecticut. Et parce que il faut qu'il y ait aussi des riches dans ces affaires. Parce que le riche, alors là, c'est pas du tout marxiste, alors que Cavell est quand même quelqu'un d'assez radical politiquement. Mais s'il y a de la richesse, c'est très important. Il cite Emerson. Il explique pourquoi, d'ailleurs. Il explique pourquoi. Il dit que c'est un essai d'Emerson sur la lecture et qui dit que quand nous lisons, nous comportons en fait comme des riches. Parce que nous voyons le monde dans son aspiration perfectionniste réellement. Et alors, il y a des phrases assez scandaleuses d'Emerson. Il faut ne pas être entravé au quotidien. Il faut avoir un certain confort quotidien pour pouvoir exposer les problèmes moraux auxquels vont s'affronter les personnages, tout simplement. Exactement. La richesse signifie du temps. Ça veut dire qu'on n'a pas à galérer comme on le fait tous pour gagner notre vie. À un moment donné, effectivement, on va pouvoir se poser. Ce qui est très intéressant dans ces comédies, c'est que ce n'est pas une apologie de la richesse. Il y a toujours quelqu'un qui a de l'argent et quelqu'un qui en a moins. En général, je dis bien en général, c'est la femme qui appartient effectivement à un milieu très privilégié. C'est le cas notamment du personnage de Claudette Colbert dans New York, Miami, dans It Happened One Night, et qui va tomber amoureuse. Ça, c'est un fil narratif très important dans l'histoire de la comédie classique américaine, qui va tomber amoureuse d'un journaliste de sport, quelqu'un qui est vraiment très opposé. Et on va retrouver en dehors même des films étudiés par Cavell, en dehors même des stricts films du remariage, on a ce schéma qui va porter vraiment l'histoire de la comédie. Mais pour le remariage, effectivement, il faut arriver à ce point où les gens vont pouvoir reprendre langue. Parce que c'est dans la conversation que l'homme et la femme vont pouvoir se retrouver. Ce n'est pas parce que c'était lui ou parce que c'était elle ou parce que c'était moi. Ce n'est pas la mort omnia, ce n'est pas l'amour par-dessus tout. Non, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus concret, réel, ordinaire. Il faut pouvoir trouver un moment où on va pouvoir se reparler. Donc c'est un amour et un mariage conversation qui n'est pas du tout dénué d'érotisme. Quand on a les acteurs qui sont en face de nous et toute la grâce de tout ce charme. Mais ce n'est pas pour des questions strictement sexuelles et érotiques qui sont le soubassement également, bien sûr, de l'intérêt de l'un pour l'autre. Mais c'est dans la conversation que tout cela va passer. Et cette conversation, ça tombe bien parce que le cinéma est devenu parlant à peu près 10 ans auparavant, enfin un peu plus, mais c'est vraiment l'avènement de ce qu'on appelle les talkies. Même moins de 10 ans pour It Happened One Night. Oui, qui est en 34. Oui, tout à fait. Voilà. On va écouter un extrait de It Happened One Night, New York, Miami en français, donc un film de Capra, 1934, avec Clark Gable dans le rôle de l'homme, Peter Warne, et Claudette Colbert dans le rôle de Hayley Andrews, là. Riche fille de millionnaire qui s'échappe de son yacht parce que son père ne veut pas l'autoriser à épouser qui elle veut, à savoir un homme qui n'a pas autant d'argent que lui. Et en chemin, elle va rencontrer un homme et pour pouvoir échapper aux gardes du corps de son père, enfin aux détectives qui sont à sa poursuite, elle va faire semblant d'être mariée à cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et dans l'extrait qu'on va entendre, eh bien, ils partagent une chambre de motel pour faire croire qu'ils sont un couple. Et l'homme, de manière à respecter la femme, va tendre une couverture entre les deux lits de manière à ce qu'ils puissent se changer en maintenant la pudeur de l'un et de l'autre. Et cette couverture-là, donc Cavell va dire que c'est la couverture la plus célèbre de l'histoire dramatique du cinéma, est qualifiée par le jeune homme de mur de Jéricho. Écoutez l'extrait, puis vous nous l'expliquerez ensuite, Marc Serizuelo. Ah, don't be a sucker. Good night's rest will do you a lot of good. Besides, you got nothing to worry about. Une bonne nuit de sommeil vous fera du bien. Et puis, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Puisque le mur de Jéricho vous protégera du grand méchant loup. Qui a peur du grand méchant loup, méchant loup, méchant loup? Elle a peur du grand méchant loup, tra-la-la-la-la. Pourriez-vous, s'il vous plaît, éteindre la lumière? Oh oui, bien sûr. Pourriez-vous ôter ces choses du mur de Jéricho? Oh, je suis désolée. À propos, comment vous appelez-vous? Vous dites? Qui êtes-vous? Qui, moi? Je suis le passereau qui pleure dans la nuit. Et je suis la douce brise matinale qui vient caresser votre joli visage. Vous avez bien un nom tout de même. Oui, et j'ai un nom. Peter Warne. Peter Warne. Il ne me plaît pas. Ce n'est pas bien grave puisque vous me le rendez demain matin. Enchanté de vous connaître, Monsieur Warne. Tout le plaisir est pour moi, Madame Warne. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Stanley Cavell cette semaine, le philosophe Stanley Cavell, et aujourd'hui de son livre sur les comédies hollywoodiennes du remariage, À la recherche du bonheur, en compagnie de Marc Serizuelo, de ce film New York Miami en français, It Happened One Night en anglais. Cavell dit qu'il a quelque chose à nous apprendre sur notre recherche du bonheur. Marc Serizuelo. D'abord, il faut bien comprendre que là, on évoquait la sexualité tout à l'heure. Oui, là. C'est-à-dire que, imaginons quand même que pour des raisons financières, une femme est obligée de partager une chambre avec un homme, ils ne se connaissent pas du tout. Et il tend une couverture dans les deux, qui sépare donc la chambre en deux, et il lui dit « Vous n'avez rien à craindre. N'importe quelle fille qui se retrouve dans cette situation, n'importe quelle femme confrontée effectivement à cette couverture peut dire « Oui, bon, c'est quand même un peu facile. Si » Oui, surtout quand il se met à chantonner qu'il a peur du grand méchant loup. Voilà, voilà. Donc on voit très très bien que, or, ce mur, dit-il, cette couverture n'est pas simplement une couverture, c'est quelque chose d'infranchissable comme, justement, les murs de Jéricho. Ils se sont effondrés, donc pas si infranchissables d'ailleurs. Ils se sont effondrés parce que Josué a joué de la trompette. On voit bien ici que la référence, enfin bon, c'est pas exactement aussi simple que la référence, c'est le peuple d'Israël qui ne pouvait pas aller à Jéricho, qui sonne les trompettes et au son des trompettes, les murs se seraient effondrés. Exactement. Et donc, il y a un passage extraordinaire de Cavell dans le chapitre où il pense que on se demande à un moment donné, il dit. Je n'ai pas de trompette. Qui n'a pas de trompette? Est-ce que c'est l'homme qui n'a pas de trompette? Est-ce que c'est parce que on pense, sans savoir, que si quelqu'un doit jouer de la trompette, c'est l'homme. Or, là, il y a quelque chose de tout à fait radical, même on pourrait dire de féministe, pour aller vite chez Cavell, c'est que ça peut être tout à fait la femme qui possède une trompette. Le texte même lui dit de rejoindre, de passer de l'autre côté de la muraille et de rejoindre le camp des Israélites. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est toute l'interprétation, le génie interprétatif de Cavell. Dans ce cas-là, c'est elle qui aurait une trompette, alors que nous, spectateurs lambda, on imagine que quand on se demande qui doit jouer de la trompette, c'est l'homme. À la fin du film, toute fin du film, quand l'homme et la femme se retrouvent ensemble en voyage de noces, ils décident d'aller dans un motel et on entend simplement effectivement les propriétaires du motel qui sont étonnés parce qu'ils ont demandé une trompette et on entend la trompette sonner et la couverture tomber. Donc c'est filé bien sûr à travers le film. Il y a toute une série de références bibliques liées d'ailleurs au mariage ou à, qui font que effectivement ce film qui il y a quand même la tradition juive parce que c'est l'origine de Cavell, il y a la tradition protestante, il parle beaucoup des livres anglo-saxons les plus importants sur la théorie du divorce et la possibilité du divorce dans la culture protestante et notamment la culture puritaine et donc la culture américaine. On voit bien que ces questions-là sont au cœur de la notion. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle de mariage? On parle de mariage parce que la liberté humaine peut être aliéné délibérément, c'est le principe du mariage, je décide d'aliéner effectivement ma liberté, de ne pas aller voir ailleurs, parce que je vais avoir un plus grand bonheur dans cette vie à deux. Et c'est toute l'histoire de l'humanité, en fait, qui passe à travers ces questions-là, qui sont quand même très, très, très importantes. On est bien évidemment libre de ne pas se marier, mais on sait très bien aussi que c'est quand même par cette question du mariage que se joue, effectivement, non seulement, en théorie, la perpétuation de l'espèce et toute la vie sociale, mais Cavell pointe, effectivement, tout ce qu'il y a de révolutionnaire, en quelque façon, dans le mariage. Ce sont les aspirations de chacun, ce qu'il appelle le perfectionnisme, c'est-à-dire le fait que la règle morale n'est pas une règle classique, déontique, la loi de morale, ou la loi morale dans le cœur de Kant, mais que ce qu'elles vont réellement pour combler les aspirations de chacun. Et si ça n'a pas marché une première fois, cela peut quand même remarcher. C'est ça qui est fantastique. Voilà. Pardonnez-moi, mais parce que là, l'importance du mariage, il faut bien de la pointer, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pensé en philosophie, même si beaucoup de philosophes l'ont fait, je pense à Kierkegaard notamment. Mais le remariage, il y a quelque chose de très très contemporain, parce que qui dit remariage dit aussi divorce ou séparation, puisque ici on parle aussi de mariage symbolique, il n'y a pas forcément un acte de mariage à l'église ou à la mairie, hein. Mais dit séparation et choix d'acquiescer à ce que l'on connaît déjà et que l'on a quitté pour des mauvaises raisons, vont dire chacun des films, mais quand même pour des raisons qui étaient valables sur le moment. Là, on comprend déjà avec le terme de remariage que ça implique tout un cheminement moral que vont traverser chacun des personnages au cours du film. Absolument. Et c'est aussi pour cela que le livre a dépassé très largement les cercles spécialisés de philosophie ou de cinéma. Il y a des psychanalystes, des sociologues comme Irène Théry, la notion de démariage. Irène Théry a souvent dit à quel point, effectivement, le livre de Cavell avait été important pour elle. Donc il touche là, avec ce sujet, mariage-remariage, quelque chose qui va bien au-delà, effectivement, du cinéma ou de questions philosophiques traditionnelles. Et c'est l'importance, puisque le mot est aussi capitale pour Cavell. L'importance du mariage tient à cette question. Le fait qu'on se remarie avec le même, qui est une sorte de dialectique du même et de l'autre, qui est expliqué tout à fait à la fin du livre, avec l'étude du film de Léo McCarré. Il y a en ce moment une rétrospective à la Cinémathèque, et on peut encourager les auditeurs à aller voir les films de McCarré. Et dans cette sacrée vérité, qui est certainement peut-être le film le plus classique dans le remariage. On a réellement un mariage, on a réellement un divorce qui est prononcé, et la nuit d'avant l'officialisation réelle du divorce, l'homme et la femme, Cary Grant et Irene Dunn, vont se remettre ensemble. Et il y a un dernier dialogue qui est très très bien analysé également par Cavell dans son livre, où le problème est évoqué de manière topique. Pourquoi est-ce que je vais me remarier avec le même? Donc on dirait du Platon là. Hein, on est vraiment. Pourquoi est-ce que je prendrais le même alors que finalement je chercherais plutôt l'autre? Mais si l'autre peut être le même, alors il faudrait peut-être qu'il soit différent pour que je rechoisisse le même. Eh bien oui, c'est peut-être ça que nous allons faire. D'accord, remarions-nous. Il y a une sorte de méta-remariage à la fin de ce film, très très bien explicité par Cavell ici. Et alors, ce qui est important, c'est que malgré tout, là, on vient d'évoquer The Philadelphia Story, cette sacrée vérité et un petit peu New York, Miami, mais on voit bien que ce sont des films qui sont quand même relativement différents. C'est-à-dire que le McCarré et le Cukor, Philadelphia Story, montrent un authentique remariage. Dans New York, Miami, c'est pas le cas, ouais. Dans New York, Miami, c'est pas le cas. Ils se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Et elle a décidé, en fait, alors là aussi, pour que si jamais il y a des auditeurs qui ne connaissent pas bien la culture américaine de ces films, notamment on peut penser aux jeunes auditeurs et auditrices, dans le contexte américain, il y a deux mariages, c'est un peu l'équivalent de la mairie et de l'église en France, mais c'est pas si simple. Il y a le mariage qui se fait par contrat, il suffit de trouver un juge de paix et on est marié, et puis il y a la cérémonie, effectivement, religieuse, mais qui se passe souvent chez la jeune femme et où réellement, donc, c'est le véritable mariage. Et on le voit très très souvent également dans le cinéma américain, et très souvent dans des comédies. On est en plein air, il y a de la musique, il y a le prêtre, et là, bon. Et c'est dans ce cadre-là, on a effectivement tout cela dans New York, Miami. Mais comme ils se sont disputés, on a des unes de journaux, puisqu'elle a été, ça a été un feuilleton, elle a disparu, elle est revenue, on l'a retrouvée. Et comme son père est très riche et très puissant, toutes les États-Unis sont tous au courant. Et la une dit, Hélène se remarie. Alors donc, et ça fait tilt évidemment chez Cavell. Parce qu'il y a beaucoup de unes de journaux qui apparaissent. Elle va pouvoir avoir sa cérémonie, hein, tout simplement. Et ce qui va être le cas, c'est qu'elle va, ça, on l'a déjà vu dans un film muet de Cukor qui s'appelle Show People en 1927. Juste avant, en arrivant à l'hôtel, elle va partir. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans New York, Miami. On le reverra très souvent jusqu'à dans des films très récents. Mais donc la femme qui n'accepte pas effectivement le mari, parce que on n'a pas parlé, l'homme a toujours un rival, mais ce rival n'est pas un véritable rival. On sait dès le départ que c'est un tocard. Voilà, c'est un palsoqué. Il sert à rien, il a pas de comment dire à Marseille, c'est une galette. Il a pas d'existence vraiment. Il est friable. Alors. Enfin, sauf quand c'est James Stewart dans Philadelphia Story. Et voilà, vous m'avez deviné. C'est évidemment le cas de Philadelphia Story est tout à fait intéressant parce que là il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a le tocard, celui qui, c'est assez cruel politiquement, hein, c'est un homme du peuple qui s'est fait, donc comme elle veut épouser après avoir fait l'erreur d'avoir épousé C.K. Dexter Haven, quelqu'un qui est de Cary Grant, qui est celui de son monde, elle va épouser au contraire quelqu'un qui va devenir certainement un homme politique, un salesman à l'américaine, et en fait ça va. On voit tout de suite, on comprend tout de suite que c'est pas le cas, que la famille n'en veut pas, que la jeune sœur n'en veut pas. Donc on va se dire, on est dans un schéma traditionnel qu'on a déjà vu, par exemple, dans New York, Miami. Et en fait, non. Il y en a un troisième qui arrive, qui lui aussi est du peuple, qui lui aussi, effectivement, n'est pas de la haute société de Philadelphie, mais c'est James Stewart. Il est écrivain. il a du talent, il est charmant. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de commencer l'émission avec ce moment où il chante Over the Rainbow avec Catherine Hepburn dans ses bras. C'est qu'il y a là, effectivement, dans ce film, quelque chose qui montre que le remariage n'est pas si simple et qu'il faut passer ici par un truchement, ouais, par un tiers. Une éducation, hein, dit Cavell, tout simplement. Une éducation, y compris par la rencontre d'autres personnes et la prise de conscience des raisons pour lesquelles ces autres personnes ne sont pas appropriées pour nous-mêmes, en fait. Exactement, c'est ça. Exactement. Et cela passe aussi par la question de l'ivresse et de l'alcool. Ça, c'est très shakespearien aussi. Que s'est-il passé pendant cette nuit d'ivresse? Et là, Cary Grant et Catherine Hepburn s'étaient séparés et il avait un problème d'alcool, lui. C'est pas une des raisons, c'est certainement une des conséquences du malaise, mais c'était passé par l'alcool. Et elle-même avait été ivre une seule fois, et avec cette idée de contrôle qu'elle avait, elle, cette statue qui doit devenir chair, hein, puisque c'est le thème quand même, cette déesse, cette statue qui doit devenir humaine, et elle va faire l'épreuve, elle aussi, de la nuit d'ivresse, et c'est au cours de cette nuit d'ivresse que la vérité va apparaître, et ça c'est très profond. Alors vous citez Shakespeare depuis le début de cette émission, Marc Sérigello, Shakespeare que Cavell connaissait très bien, il y fait beaucoup référence dans ses ouvrages. Disons que dans La recherche du bonheur, le livre dont nous parlons aujourd'hui des comédies de remariage, ce qu'il y a d'absolument fascinant pour le lecteur, c'est de voir comment Cavell fait le lien entre ces comédies hollywoodiennes qu'il qualifie de remariage parce qu'il invente ce genre, vous l'avez dit, et la naissance de la culture américaine. C'est-à-dire qu'on réalise en le lisant que dans ces films qui paraissent être de bonnes comédies, dans le meilleur des cas, voire très bonnes comédies, devant lesquelles on passe toujours un bon moment, je défie quiconque de regarder l'indiscrétion et de s'ennuyer, eh bien qu'il y a dans ces films une teneur philosophique réelle et incontestable. Dans le chapitre sur indiscrétion, il fait le rapprochement entre ce film et les textes d'Emerson, qu'il qualifie et qui était le premier intellectuel américain au milieu du 19e siècle. Et il montre comment les problèmes soulevés par Emerson sont présents dans ce film sans forcément que les scénaristes hollywoodiens de l'époque aient lu Emerson. Et ça, c'est absolument remarquable dans ce livre. C'est tout le travail de Cavell sur être philosophe en Amérique qui est lié à assez longue histoire de la philosophie américaine qui a eu des très grands noms comme James, Dewey, Peirce, mais qui a été grâce à Quine dans les années 30, beaucoup d'Européens autour de Carnap notamment et beaucoup d'autres sont venus, hein, donc, et ont fait la fortune, on peut dire, de la philosophie en Amérique. C'est une grande tradition de la philosophie analytique américaine. Et en même temps, Cavell est formé à cette tradition. Quand il décide, après avoir écouté Austin, hein, d'être influencé par Wittgenstein, il subit quand même tout le cursus. Il connaît très très bien effectivement tout ce travail d'épistémologie, de logique, Cavell va être toujours en porte-à-faux non seulement entre les traditions occidentales et la tradition américaine, mais il va essayer de retrouver ce qu'il appelle la véritable philosophie américaine qui a commencé selon lui bien plus tôt. Et Cavell donc va relire notamment Emerson qui était devenu ringard. Hein, donc quand le sage de Concorde, c'est une expression très très très ambiguë, hein, donc pour périphrase pour parler d'Emerson, on est là dans la préhistoire, en fait, dans le début de l'histoire philosophique américaine, parce que 70 ans après l'indépendance réelle des États-Unis, Emerson pense à juste titre que devant cette immense étendue qui attend l'histoire américaine, les Américains doivent désormais se tourner vers eux-mêmes et vers leur territoire et pas être toujours à la remorque de l'Europe. C'est « the American scholar », donc le savant américain, et c'est là qu'il y a des passages particulièrement éloquents autour de cette idée, effectivement, de l'ordinaire. Quand Cavell étudie le cinéma américain, il le fait, et ça il en parle très bien au début de la projection du monde, et il dit ces films-là contiennent effectivement active, en tout cas un processus philosophique, tout autant que les grandes œuvres du cinéma moderne européen. N'en déplaise aux snobs, justement. C'est la lecture de Cavell a vraiment d'absolument délicieux. C'est-à-dire, mais si, en fait, dans ces comédies que vous pensez être futiles et sans doute vaines, il y a une pensée philosophique à l'œuvre qui n'est pas explicite, qui ne revendique pas à l'aide de panneaux la référence à Kant ou à Emerson, mais ça fonctionne. Et dans son livre, il prend chacun des films et les explique en montrant comment les références philosophiques sont présentes, sont traversées, sont constitutives du scénario même. Exactement. Et cette idée du familier, cette idée de l'ordinaire, il la prend effectivement là. Il y a un passage très célèbre du savant américain où il évoque effectivement ces questions. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait, parce que finalement on a entendu très peu d'extraits de ces comédies. D'abord, la voix de Cavell, parce qu'un des grands mérites de ce livre, c'est aussi d'attirer l'attention sur la question du genre, non pas cinématographique, mais du genre masculin-féminin. Vous l'avez dit, on ne sait pas qui va jouer de la trompette. On s'attendrait à ce que ce soit l'homme dans New York Miami, et bien ce sera sans doute la femme. Cavell est attentif à ces questions-là, et il n'aime rien tant que pointer le renversement des rôles qui a souvent lieu au sein de ces comédies. Dans le contexte actuel, ça a quelque chose d'assez délicieux et irrévérencieux. Voici Cavell qui parle de cette différence entre le masculin et le féminin à l'œuvre dans ces comédies, puis un extrait d'Un cœur pris au piège, Lady Eve de Preston Sturges de 41, où vous verrez à quel point aussi les questions de la construction de la femme par les hommes. The question is not so simple. Donc la question n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, quelle est la différence entre filmer un homme, filmer une femme? The man can't attract the woman in these remarriage comedies, which are about marriage and about ne peuvent fun, pas about comedy. Attirer les femmes dans ces films qui sont des comédies et des comédies du remariage. Until two things happen. Jusqu'à ce que deux choses se produisent. La première, that he shows he can play. Il montre qu'il peut être joueur, and invent things, and improvise. Inventif, so we're not locked improvisé, in a prison of the same montrer day, que the nous, same ideas, nous ne same sommes things, pas enfermés dans une prison, life bores you to death. Sinon la vie serait trop ennuyeuse, them. Mais pas avec eux, ils rendent la vie amusante. But there's a second thing he has to show. Mais il y a autre chose qu'il lui faut prouver, is that he's a woman. C'est qu'il est une femme. They look too much alike. You said it. They couldn't be two genders. You don't understand me. They look too much alike to be the same. That's what I've been telling you. They. Elle aurait pu se teindre les cheveux en blond, même épiler ses sourcils, ou bien. Mais qu'est-ce que ça changerait? Moi, j'ai connu une petite esquimaude qui avait fait teindre ses cheveux. Elle ne dit pas qu'elle ne m'a jamais vu, ce que toute autre femme aurait fait à sa place. Elle prétend même me connaître. Naturellement, vous étiez sur le bateau avec elle. Je pensais, mais je ne veux pas l'admettre. Si elle ne ressemblait pas aussi exactement à l'autre, j'aurais des soupçons, mais. Tu n'entends rien à la psychologie. Une femme dispose de 100 moyens pour modifier son visage, mais toi, tu ne comprends rien. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ces deux femmes, c'est la même poule. D'ailleurs, elles se servent du même parfum. Je ne sais plus. C'est la même femme. Lady Eve, c'est la version comique d'Adam et Ève, hein, nous dit Stanley Cavell, cette arnaqueuse professionnelle qui arrive à piéger tout le monde et qui est interprétée par Barbara Stanwyck et Henry Fonda dans le rôle de Charles. Met à l'œuvre exactement ce que dit Cavell avant, finalement le féminin est une construction, peut-être que le masculin également, et comme le disait Cavell, mais ce qui est la tâche qui revient à l'homme, c'est de prouver qu'il peut être joueur, inventif, mais surtout de prouver qu'il peut être une femme. Oui, ça c'est... Ça, il écrit ça en 81. Hein. Oui. Le film est épatant. Hein. Le livre de Cavell commence avec l'étude du film de Preston Sturges, immense cinéaste, le très grand cinéaste de la comédie des années 40, et auteur, le premier véritable scénariste à être passé à la réalisation, qui a réalisé quasiment toute sa carrière pendant les années de guerre, et après quelques films juste après, mais il y a une dizaine de films absolument remarquables. Et Cavell avait une passion pour de Lady Eve. Et de Lady Eve est certainement le film qui, par rapport à ce que vous évoquez sur le masculin et le féminin, est certainement le plus intéressant. Mais il faut bien comprendre, d'abord, là, ce n'est pas la femme qui est riche, c'est l'homme. Il est l'héritier d'une dynastie de la bière. Chaque seconde dans le monde, 14 personnes commandent une bière Pike. Hein, c'est son nom. Donc, c'est l'idée de cornucopia, hein, de corne d'abondance, de richesse. Et la femme est une arnaqueuse. Et elle joue aux cartes avec son père sur les paquebots de luxe. Et donc, d'une certaine manière, il se fait avoir, mais il tombe réellement amoureux. Et là, il se comporte de manière un petit peu cheap. Et elle décide donc d'inventer une femme. Il est tellement bête qu'il va épouser cette femme, qu'il a même, sans comprendre que c'était la femme qu'il a rencontrée sur le bateau. Et quand je dis il est tellement bête, c'est-à-dire qu'il est effectivement assez stupide, mais il est tout à fait charmant. C'est pas une bêtise, c'est pas méchant et cynique. C'est au contraire tout à fait charmant là. Mais parce qu'il doit comprendre, il doit être châtié pour son attitude un peu cheap, comme les gens se comportent mal parfois dans la vie, en disant « Ah oui, je savais tout cela », alors qu'on savait rien du tout, en mentant. Hein. Et cette idée du scepticisme vécu, hein, donc justement, de ce qui se passe quand les choses se passent pas bien entre les gens, et notamment entre les hommes et les femmes, c'est ça qui est mis en scène par Sir Just dans cette comédie. Et donc, « The Lady Eve ». C'est le titre du film. C'est le personnage qu'elle se crée. Elle est Mademoiselle Eve. Hein. C'est pas juste Eve, c'est the lady, ah non, mademoiselle. C'est pas mademoiselle. Non, vous avez raison, c'est encore plus. C'est dame. Elle est anglaise dans cette création. Et donc, c'est la création d'une nouvelle femme. Ou comme le dit Cavell, c'est aussi la nouvelle création de la femme. C'est-à-dire que cette idée, encore une fois, donc une allusion biblique après Jéricho et après d'autres dans le livre de Cavell. Et cette manière que qu'a l'homme d'être absolument désarmé devant la féminité, on la voit déjà au début du film. Il a fait une expédition pendant un an sur l'Amazonie. Il ne sait plus à quoi ressemble une femme. Il est à ses genoux pour lui remettre ses chaussures. Il voit trouble. On a des idées absolument géniales. Il a un malaise par rapport à cette question de la féminité. Ça a rarement été montré avec autant de justesse, mais dans toute l'histoire du cinéma. Un homme qui, au pied d'une femme, ne sait plus du tout, effectivement. Il n'est pas du tout conquérant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ce qui la charme. Elle, la rouée, la tricheuse, elle tombe sur un monstre d'innocence. Et effectivement, c'est comme ça qu'elle tombe amoureuse. Et quand il refuse cela, là, il va y avoir effectivement la vengeance d'une femme, parce que ça pourrait aussi s'appeler comme cela. Et il y a évidemment donc toute une répétition, forcément. Elle sait des choses qui se sont passées, et le texte que nous avons entendu au tout début, c'est son garde du corps, valet, domestique, qui lui dit « c'est la même femme ». Il le met en garde. Et lui trouve, et c'est ça qui est passionnant, il trouve toutes les raisons pour que ce ne soit pas la même. C'est-à-dire, il dit si elle s'était fait teindre les sourcils en blond. Enfin, là, elle est tellement la même que ça ne peut pas être la même. Et on a au début du livre ce que l'on va retrouver avec cette dialectique qu'on a appelée rapidement platonicienne du pareil et du différent, du même et de l'autre, dans le tout dernier film. Effectivement, on a un homme désarmé face au pouvoir de la féminité, et c'est certainement la femme qui joue de la trompette dans New York Miami, la position de Catherine Hepburn tous les films montrent effectivement cela. On n'a pas évoqué L'impossible Monsieur Bébé, qui est un des films les plus populaires, qui apparemment c'est ce qui avait fait sursauter Gérard Genette, qui avait très très bien parlé également dans Figure 5 et dans Des genres et des œuvres du livre de Cavell, et Genette disait mais ça, on peut pas appeler ça remariage, parce que là pour le coup effectivement c'est quelqu'un qui a envie de se marier avec son assistante et qui va finalement épousé comme le personnage interprété par Catherine Hepburn. Mmh. Donc, Genette proposait de rebaptiser le genre comédie, c'est intéressant de le savoir, comédie de la conjugalité ou des comédies conjugales. Mais j'en avais souvent eu l'occasion d'en parler avec Genette, on restait chacun sur nos positions. Moi, je trouve que remariage est une notion, un concept qui travaille quand même beaucoup plus que la simple conjugalité, même s'il y a une certaine imprécision délibérée hein, qui est donnée par Cavell. Il sait très bien, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « mais pourquoi que cette film ?» Vous savez, les petits perfectionnistes. Hein. « Ah, moi j'en aurais mis un huitième. » Et effectivement, il y a un autre film de Preston Sturges. Mais même jusqu'à aujourd'hui, le genre continue. continue largement après les années 40. Voilà. Mais s'il y a cette film, c'est pas complètement par hasard. C'est réellement parce que Cavell suit une progression. Je crois qu'il faut lire vraiment le livre dans l'ordre. Et qu'il y a un discours du film, ou un discours des films qui se fait jour dans ce corpus qui est, comme le disait Barthes, saturé à ce moment-là. Avec ces sept films, il y a des échanges dans le genre. Et le genre, donc, il faut peut-être le dire, pour Cavell en parle très bien dans son introduction, là encore, le film ne participe pas au genre parce qu'il posséderait des traits caractéristiques. Ça, c'est une définition un peu nominale du genre, comme on définirait un objet. C'est pas si simple. N'importe quel objet du monde peut être défini, effectivement. Et Cavell dit non, chaque film apporte quelque chose de nouveau. S'il manque quelque chose, il y a une compensation. Et chaque nouveau film permet de redéfinir le genre. Donc ce n'est pas une définition fixiste, c'est une définition, on pourrait dire, en modulation. Et ça c'est aussi le prix de ce livre absolument merveilleux à cet égard. Donc j'espère, chers auditeurs, que vous aurez envie de le lire à la fin de cette émission qui arrive. Marc Cerisolo, un grand merci à vous d'être venu nous parler de Sidney Cavell aujourd'hui. On n'a pas parlé de Bringing Up Baby, vous avez raison, mais voici la chanson du film interprétée par Anita O'Day. I can't give you anything but love, baby, for that's the only thing I've got plenty of, my baby. Dream a while, scheme a while, why you're sure to find happiness. And I guess all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets Woolworth doesn't sell, baby, till that lucky day. You know darn well, my baby, I can't give you anything but love. Like to see you looking so swell, baby. Diamond bracelets, Woolworth. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de bonheur et d'échec. On n'est peut-être pas si loin des comédies de remariage dont on a parlé à l'instant. Pas si loin avec cette question, la philosophie doit-elle nous conduire au bonheur? Alors que depuis l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur cet état tant désiré et convoité, on constate aujourd'hui une tendance inverse, la propension des philosophes à se questionner sur l'échec. L'échec serait-il ainsi devenu le nouvel horizon philosophique, un nouvel objet d'étude qui manquait cruellement à la réflexion, ou alors une simple mode? Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui, à l'aventure tout simplement. Quelle est cette belle chanson que vous nous offrez, Géraldine? Ah bah là, c'est une chanson de choix, c'est une chanson de Bernard Tapie. Il est chanteur. Oui, il est chanteur. D'accord. Il était chanteur en 1985. Bon, il nous parle de bonheur. Ah oui, il nous parle de bonheur. C'est le moyen de se demander qu'est-ce que le bonheur. Est-ce que c'est, par exemple, comme il le dit, réussir sa vie? Est-ce que le bonheur, c'est un état ou un horizon? Est-ce que c'est un désir ou le propre de l'homme? Comment atteindre le bonheur? Par un travail sur le monde ou sur nous-mêmes? Et puis, le bonheur se trouve-t-il au terme d'une quête, tel un trésor, un bien? Ou est-il une affaire de transformation de soi? Alors, ces questions sur le bonheur sont tout à fait classiques. Épicure, Spinoza, Kant et beaucoup d'autres y ont réfléchi. Elles sont au programme de philosophie des élèves de terminale, de la définition du terme à ces diverses théories. C'est comme si le bonheur était la finalité de toute vie, passant à côté de tous ces moments médiocres ou ratés qui la rythment, hélas plus souvent, et sans lesquels le bonheur aurait surtout moins de saveur. C'est en tout cas la critique du philosophe Charles Pépin dans son livre paru en 2016, Les Vertus de l'échec. Et ces questions classiques sur l'idée du bonheur ont aussi pris une tournure quotidienne et beaucoup moins réflexive. C'est la critique cette fois-ci de la sociologue Eva Illouz. Cette idée du bonheur s'est mise au service du pouvoir, c'est-à-dire au service des États, au service de l'armée, au service des multinationales comme Coca-Cola, et a créé des moyens finalement pour rendre la population, c'est-à-dire les citoyens, plus contents, contents de leur expérience, sans vraiment leur permettre de se poser des questions sur la nature même de leur situation sociale et économique. Dans Apicratie, coécrit avec le psychologue Edgar Cabana et tout juste paru aux éditions Premier Parallèle, Eva Illouz dénonce ces marchands de bonheur qui, en quelques recettes, vous promettent la béatitude et surtout qui matraque le bonheur sans laisser à chacun et à tous le loisir de se questionner sur cette recherche et cette injonction. D'où cette vague de réflexion et de réflexivité des penseurs aujourd'hui, demandant qu'est-ce que le bonheur, certes, mais pointant surtout ce problème, à quoi bon le bonheur? Ou pour le dire encore autrement, n'y a-t-il pas plutôt du bon dans le mauvais, dans les échecs, le malheur et l'infortune? Sur ces paradoxes d'un bien nocif et d'un bienfait de l'échec, on a cité Charles Pépin, Eva Illouz donc, on pourrait aussi citer les ouvrages qui promeuvent la fragilité ou le doute, ou toute cette série d'articles aussi parus dans Le Monde cet été sous le titre « Surmonter les épreuves », avec, entre autres, les contributions géniales de la philosophe Claire Marin qui explique en quoi la rupture amoureuse peut être l'occasion d'affirmer une nouvelle identité, ou alors celle de Pierre Zawi qui réfléchit pour sa part sur le mot de Beckett « échouer mieux ». Eh bien, pour la mienne, de part, c'est la voix d'un autre habitué au désespoir que je voulais aussi citer et vous faire entendre. Qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est la... On démolit quelque chose. Toute connaissance poussée jusqu'au bout peut être dangereuse et malsaine. Parce que, au fond, je parle de la vie, n'est-ce pas? C'est pas sur le plan philosophique. La vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on a un minimum d'illusions. Autrement, ce n'est pas possible. Mais une amitié non plus, tout, c'est net. La lucidité complète, c'est le néant. Vous l'avez reconnu, Adèle? Oui. C'est Cioran, Émile Cioran. La lucidité complète, c'est le néant, il n'y a que lui qui peut dire ça. Alors, il me semblait effectivement qu'évoquer Émile Cioran n'était pas inutile ici, mais au fond, on pourrait se demander, à force de critiquer le bonheur et à vouloir cultiver son envers, tel l'échec, ne tombe-t-on pas dans l'écueil inverse, à savoir promouvoir une autre forme d'idéal, de rapport à soi, d'authenticité et même de bien-être qui passerait cette fois-ci par le malheur? Alors voilà, ma question est double. Le malheur est-il devenu le nouvel horizon des philosophes, susceptible de récupération, de faire écran aux autres questions et aux illusions nécessaires à la vie? Et puis surtout, n'est-il pas qu'un moyen désormais pour atteindre le bonheur? Et oui, encore lui. C'est une question double, mais surtout éternelle. Est-ce à la philosophie de nous conduire au bonheur et même en passant par le malheur? Je ne sais pas si la philosophie rend plus heureux, mais en tout cas, les auditeurs pourront se faire leur propre opinion en lisant les ouvrages que vous nous recommandez. En lisant donc Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, et puis Eva Illouz, il y a aussi Apicratie qui vient donc de paraître. Merci. Et puis écouter du Émile Cioran. Hein. Lire. Voilà, et réécoutez votre chronique en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Eva Ferenzi, Marie Simon, Philippe Baudouin à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Jean-Guilain Mage à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée au philosophe Stanley Cavell. Demain, nous évoquerons le perfectionnisme moral avec le chercheur et essayiste Daniele Lorenzini. Ce sera l'occasion de parler de ceux qui ont inspiré Cavell, notamment Emerson, Thoreau, Nietzsche, Montaigne, Platon et tant d'autres. D'ici là, pour écouter cette émission sur les comédies de remariage, cinéma et philosophie, eh bien, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.